viens de là, ouais, ouais, je viens de là, ouais, ouais, je viens de là, ouais, ouais, je viens de là, ouais, ouais, je viens de là, ouais, ouais, je viens de là, ouais, ouais, je viens de là. Oh, dans ce cœur, chacun, chacun sa peine, chacun son chagrin. Tu m'emboucanes le zen, ils nous en veulent les voix. Alors tant pis, je fais. J'ai fait des erreurs, je les regrette pas. Maintenant tant pis, je sais. Y'a trop de jalousie. Faut se tailler en Andalousie. Dans le secteur ça sent roussi. Le petit se prend pour aussi. Ça te nique ta zargue. Qu'il fasse chaud ou burda. T'as vu ma gueule d'ange. Il me pointe la guerre da. Sache que tout s'achète. Arme et plaquette. Ils veulent ma tête. Mais ils ne l'auront pas. Croyez qu'ils m'embêtent. Revenez à 7h. Croyez que je me la pète. Je m'aime pas un corps d'athlète. Elle a vu que j'ai flashé sur elle. Eh ouais, maintenant elle est sur d'elle. Elle a fait son regard sensuel. Elle me cherche, je suis dans ma zone, dans ma ruelle. Faut faire des choix dans la vie, alors tant pis, je fais. J'ai fait des erreurs, je les regrette pas, maintenant tant pis, je sais. Y'a trop de jalousie, faut se tailler en Andalousie.